Aujourd'hui, nous avons établi un régime de parti unique. Et un peu partout dans le monde où existe le multiparti, on voit cela d'un mauvais œil. Je prends le cas de nos amis français. Votre unité nationale a été forgée par vos rois. On se dit d'abord français avant de se considérer breton, provençal, lorrain et autres. Nous naissons à peine à la vie indépendante. Nous avons hérité des Français, non pas une nation, mais un État. La nation est une construction de longue haleine. Partout où on a tenté le multiparatisme, on a ressuscité les querelles tribales. Combien d'États africains ont adopté le multipartisme? On peut les compter sur les doigts de la main. Sans diminuer pour autant les mérites de nos frères sénégalais, il faut comparer ce qui est comparable. Le Sénégal est un pays qui avait, avant l'indépendance, 300 ans de vie commune avec les Français. Ils étaient même, certains le proclamaient fièrement, ils étaient Français avant les Corses. Et le Sénégal avait des représentants au Parlement français depuis plusieurs décennies. D'abord des Français, des Blancs, ensuite des mulâtres, comme les Carpeaux, et ensuite les Africains, les Noirs, comme les Blindiens, Galandou Diouf, les Lamine Gueye. Ils ont les communes de plein exercice où il y a eu le brassage. Le Sénégal est un pays à immense majorité musulmane, 90 à 95%, groupé dans deux grandes confréries principales. Ils sont dans tout le pays du Sénégal. Ce sont des bases d'unité sur lesquelles on peut bâtir un multiparti. Nous naissons à peine à la vie indépendante. Nous devons dépasser les querelles tribales, les querelles de génération. Notre constitution prévoit le multiparti. Quand les conditions seront réunies, ceux qui viendront après nous, eh bien, établiront ce multiparti. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays africains, le multiparti ne sert pas la cause de l'unité. Quant à l'ancien président mauritanien, Mokhtar Ouldada, destitué en 1978 par un coup d'État militaire, il témoigne en 1995 en réponse à vos questions, Elika Mbokolo, sur le multipartisme, la fusion des partis et la création d'un parti unique.